de diversité. 89.1. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Alexandra Carignan sera avec nous pour jaser d'art et spectacle dans le temps d'une culture. Et Stéphanie Paradis nous fera découvrir un nouvel album dans le poste d'écoute. Assemblage requis commence tout de suite. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour, bienvenue à Assemblage requis. C'est mercredi 3 septembre 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Salut, Steph. Salut, Mathieu. Deuxième matin. Oui. De l'automne. Ça va bien? Ça va très bien. On est là. On est deux réveillés. Sur deux. Oui. On est là. Physiquement présent. Oui, oui. Mentalement, moyen. Pas super. Ouais. Écoute, je te dirais que j'ai commencé ma nuit de sommeil à 19h54. Raconte-nous. Ben non, mais tu sais, il commence à faire noir plus tôt. Mais on dirait que mon cerveau a comme pas vraiment associé ça encore. Il a pas encore compris que c'était le temps qui avançait dans l'année et non le temps le soir, tu sais. Je commençais à cogner des clous. Genre, mon Dieu, il est tard. Je devrais peut-être aller me coucher et de regarder l'heure, 19h54. Oh, je pense que le premier matin, j'ai trouvé difficile. Moi, je suis arrivé lundi matin, même si on n'avait pas d'émission, c'était la fête du travail. Je suis quand même arrivé ici à 7h30 pour travailler un petit peu, pour essayer de me mettre dans le bain. Je me suis dit, si j'arrive directement le premier jour, mardi, ça va être l'enfer. T'sais. Ça a bien été lundi, ça a bien été mardi, mais là, aujourd'hui, là, c'est difficile. Demain, je suis pas sûr. T'sais, ce soir, c'est le spectacle de la rentrée de la GAQTR. Oh, ouais, ouais. Ouais, je sais pas, je vais rester jusqu'à la fin. T'sais. Mais t'es peut-être mieux de juste pas te coucher, puis aller te coucher après l'émission. OK. Là, le matin? Non, demain. OK. ce soir, tu vas au party. OK. Puis là, tu te couches pas. Uh-huh. Tu viens faire ton émission. Puis là, tu vas te coucher après. Ça, c'est mon genre de façon de penser, ça. Ça marche jamais. jamais. J'ai essayé plusieurs fois cet été pour essayer de resetter mon sommeil. Écoute, j'essaye de m'adapter à toi, là. Ouais, c'est ça, t'essaies. Moi aussi, j'ai une anecdote. J'arrive chez... ça n'a aucun rapport avec le sujet là, du moment. Mais je m'en vais au restaurant de poulet. OK. Je me prends du poulet avec des petites sauces. Hein. Je me dis, hey, je vais ramener une sauce chez nous. Ça. Je l'oublie là. Dans la même poche que mes clés. Faites pas ça. Quoi? Parce que le lendemain, je suis arrivé et j'avais plein de sauce miel et moutarde dans le pantalon. Mais t'es-tu ça? Je te jure. Ça m'a l'air bizarre parce que c'est comme jaune. Ouais. Oh! Anecdote. Wow! T'es 40. Donc aujourd'hui... ça arrive tellement juste à toi. C'est ça, c'est mon genre de choses. Donc, bienvenue à Assemblage requis. Alors, ce mercredi matin, on va avoir Alexandra Carignan et sa chronique Le temps d'une culture, sa chronique d'art et spectacle. Même s'il n'est plus journaliste d'art et spectacle aux ondes campus, elle est rendue chroniqueuse avec sa lady bimensuelle. Elle va quand même nous faire Le temps d'une culture à Assemblage requis, c'est confirmé. Mais tant mieux. De toute façon, elle est tellement déjà pleine de culture, cette fille-là. Oui. Elle n'a pas besoin d'être journaliste pour être plein de surprises, avoir plein de choses à dire. Comme tes nerfs, tu sais. Comme tes nerfs. T'as pas besoin de rien de plus, t'es parfait de même. Alexandra Carignan, c'est dit. Oui. Voilà. Donc, on la reçoit tout à l'heure. Ça va être vers les 8 heures. Autour de ça, on va faire King Sexy Time en début d'émission. Oh, voilà. Tu commences ça pas de préliminaire? Ah, non. Directement à sec. Ton bruit de fouet. Non, c'était pas un... Ça s'adapte à plein de situations. Okay. À chaque fois qu'il se passe quelque chose et qu'il devrait y avoir un onomatopée, c'est celui-là que j'utilise. OK. Ouais. Ça manque de langue. C'est un coup de langue. Alors, on va aussi faire cette espèce de réponse-là vers les 8h30. Et en fin d'émission, Steph, le poste d'écoute. Ben oui. C'est ça. Un CD qu'on écoute une nouveauté. Je sais pas, j'ai choisi mes tunes. Déjà, j'ai le groupe, c'est bon. Ouais. J'ai les tunes, c'est bon. Je sais pas quoi dire encore sur eux. OK. Fait que... On va verra ce que ça donne. Okay. On va commencer l'émission avec une pièce du côté anglophone. C'est une pièce de Cousins. Other Ocean est en position numéro 8. Anglophone, on écoute ça à l'instant. On essaie de se remettre au courant des nouveautés dans les palmarès qui ont eu lieu depuis le mois de mai. On écoute ça. Assemblage requis, bonne émission. We'll be right back. Cousins et la pièce Other Ocean, position numéro 8 du Palm. Anglophone, on dit moins souvent Palm depuis quelques temps. Palm, oui. On recommence. On dirait que c'est trop familier. Pas mal, oui, c'est ça. Parlant d'être familier, on va être proche, là, vraiment très, très proche, parce que voici Kinky Sexy Time. Ouh! C'est Kinky Sexy Time, la petite sœur dévergondée de C'est un fait. Sauf qu'elle n'est pas de chanson thème. Est-ce que tu penses qu'on serait capable de fitter une chanson thème dessus? Demain, ma frère? Bon, on va la repartir. Bon, okay? On va la repartir. Voici Kinky Sexy Time. Kinky Sexy Time. Non, je suis pas sûr. Kinky Sexy Time. Kinky. Non, j'aime pas ça. Je suis comme mal à l'aise d'un coup. Time. Non? Non, je suis vraiment mal à l'aise. Il y avait... Jean-Philippe Charbonneau, vous connaissez peut-être. Il animait l'émission ce matin avant. Lui, c'était... Kick Sexy Time, c'est KST. KST. I'm down. Ah, mon Dieu. Mais tu sais, c'est le même gars qui chantait Celebration Good Time. Comment? Fait qu'on peut pas vraiment se fier. Mais ses goûts musicaux sont quand même plus... meilleur, j'imagine, ailleurs dans sa vie que lorsqu'il chante des chansons thèmes pour nous autres. On lui souhaite? On lui souhaite. Louis? Louis. 14. OK. Commençons King Sexy Time avec un fait, en fait, qui est kinky par la bande un petit peu. Par la bande. Oh! C'est Alan Turing, qui est un mathématicien, en fait, qui était un mathématicien britannique à succès, qui était aussi gay. Et Turing a réussi à garder son secret pour lui pendant presque toute sa vie, jusqu'à ce que son copain ait des problèmes avec la loi. Son copain, c'était Arnold Murray, qui a essayé d'entrer par infraction? D'entrer sans permission dans la maison de Turing. Et quand la police, dans le fond, a découvert que les hommes étaient en relation, ils ont été arrêtés pour grossière indécence parce que l'homosexualité, à l'époque, au Royaume-Uni, c'était illégal. Le pays a donné à Turing le choix, donc une décision à prendre entre aller en prison et la castration chimique. Mais voyons donc! Il a choisi la castration chimique. Malheureusement, la dépression a fini par le rattraper. Alan Turing a été trouvé mort le 8 juin 1954. Blanche Neige était son conte de fées préféré. Donc, il s'est suicidé en mangeant une pomme empoisonnée. Hein? Quelque chose, ça, c'est quelque chose. Wow. Pomme empoisonnée. C'est symbolique, hein? Pas mal. Ensuite, la première actrice à se montrer nue à la télévision, par exprès, était Valerie Perrine. Est-ce que tu connais Valerie Perrine? Oui. Ben, bien sûr, hein. Comme on dit, c'est la sœur de l'autre. Perrine Deveux. Je cherchais une fille. Perrine Deveux. C'est ça. Ouais. Perrin. En tout cas, quelqu'un perd. Donc, c'est une actrice américaine qui a commencé sa carrière dans la pornographie softcore. Elle jouait une actrice. Elle jouait une autre actrice de porn softcore. Ok, ouais. Donc, c'était, son personnage était Montana Wild Hack dans l'adaptation de 1972 de Slaughterhouse-Five par Kurt Vonnegut. Donc, en même temps que la sortie du film, Perrine est apparue nue dans l'édition mai 1972 de Playboy Magazine. En 73, Perrine est devenue la première femme à complètement montrer ses seins à la télé américaine. La scène a eu lieu pendant une diffusion de la pièce de théâtre Steam Bath sur PBS, donc la télé publique américaine. Perrine peut être vue de côté, debout dans la douche, complètement nue. Donc on voit le côté de son sein. À ce moment-là, la scène était très très risquée. Bien sûr, plusieurs stations de PBS ont refusé de diffuser l'émission. C'est sûr. C'était dans les années 70? C'était en 1973. Voilà. Je trouve ça tard, on dirait. Oui, moi aussi. Je sais pas si c'est parce qu'on n'est pas assez vieux pour comprendre la mentalité de l'époque, mais je sais pas. Moi, dans ma tête, c'était arrivé beaucoup plus tôt, ça. Parce que on en voit tellement juste partout maintenant. C'est tellement rendu anodin. C'est plus facile de voir ça que de voir des affaires qui sont bien moins pires que ça à la télé. Tu sais. Ouais. La violence et la sexualité à la télé, c'est partout, c'est présent. Ouais, on est peut-être trop jeunes, même s'il y en a qui ont notre âge physiquement dans la vraie vie, qui vivent comme s'ils avaient 50 ou 100 ans. Donc, des fois, ça dépend de... L'âge, c'est juste un chiffre. Ah oui. Ouais. Ensuite, ça veut rien dire tout ça. À New York, on s'en va à New York avec les petites jupes désertes. Okay. C'est beau les petites jupes désert sur une trappe, tu sais, mettons, sur une aération de fond. Donc, avant la construction de l'Empire State Building, le Flatiron Building de New York était l'icône de l'architecture dans le Big Apple. Est-ce que tu connais le Flatiron Building? Je l'ai même déjà vu et photographié. Ah, c'est-tu la chose la plus belle, hein? C'est vraiment génial. C'est une bâtisse très, très mince dans son horizontalité, mais très... longue de l'autre côté. C'est un triangle. C'est un triangle. On va se dire les vraies choses. C'est un fer à repasser. OK, oui, ben oui, ben oui, hein? Tout à fait. Exactement. Donc, c'est très, très grand, très, très mince. C'est en forme de triangle, tu l'as bien dit. Le Flatiron Building, qui a été complété en 1902. À l'origine, ça s'appelle le Fuller Building, en hommage au développeur George A. Fuller. Donc, la forme distincte de la structure a mené à son titre unique, Flatiron, comme un fer à repasser. Flatiron, c'est la traduction exacte de fer à repasser, en fait. Oui, oui, c'était voulu, j'ai rien inventé, ça, malheureusement. Non. Donc, à la place d'avoir, ce qui est intéressant ici, ce qui fait que c'est kinky, parce que des fois, c'est kinky juste par la bande, comme on a dit. Donc, c'est qu'à la place d'avoir des salles de bain hommes et femmes à chaque étage, les salles de bain des femmes sont localisées sur les étages impairs, alors que les toilettes pour hommes sont sur les étages pairs. Ah. Pourquoi? Aucune idée, mais c'est comme ça. C'est juste pas pratique, là. Non, c'est ça, mais en même temps... ouais, oui, c'est pas pratique. Les toilettes unisexes pourraient peut-être être quelque chose à envisager, il me semble. Mais ou juste deux toilettes, puis tu fais juste changer le symbole et voilà, tout le monde y a accès, non? Tu mets le symbole directement ça apporte là, de la... du cubicule, tu sais. Ben oui. Ben oui, quand c'est pas. Donc, grâce au design de la bâtisse, pour en revenir encore au truc kinky, ça causait souvent des drafts, des coups de vent. Si on veut qu'ils levaient les jupes des passagères ou des piétonnes, les passagères du trottoir. Ben c'est ça, ou des piétons, je veux dire, avec des kilts, là, ça peut arriver. Oui, aussi, oui, oui. Chacun son trip. Donc, la bâtisse est devenue un endroit populaire pour se rencontrer. Les jeunes hommes se rencontraient là pour en espérant voir quelque chose de provocateur. Oh. Plus récemment, moins kinky ici, la bâtisse a été l'endroit où était situé le Daily Bugle, le journal fictif dans la série des Spider-Man, plus récemment. Ah oui? Ben oui! Ah. Daily Bugle! Nikola Tesla, qui était apparemment en amour avec un pigeon. Nikola Tesla, est-ce que ça te dit quelque chose? Pas du tout. Non, ben Wikipédia nous dit qu'il est né en 1856, hein, et que c'est œuvrait principalement dans le domaine de l'électricité. Monsieur Nikola Tesla, qui était une des personnes les plus excentriques de l'histoire. Une des histoires les plus bizarres à son sujet a apparemment un peu de vérité. Ça se passe vers la fin de sa vie. Il est en amour avec un pigeon. Ah, malaise! Ben. Donc, Tesla a fait un petit voyage en 1937, passé minuit pour visiter une cathédrale locale et une bibliothèque pour nourrir les pigeons. Tu vas t'en sortir, Steph, hein? Dis-moi, tu vas t'en sortir. Je pense que oui. D'accord. Donc, en s'en allant là-bas, il a été frappé par un taxi. Il a été jeté, projeté par terre, défaisant un petit peu son dos. Il y avait des problèmes de dos après ça. Et se cassant trois côtes. J'espère vraiment ta survie. Je trouve ça un peu intense. Ton histoire. Oui, à date. Hein. Donc, son habitude de vie était de ne pas aller voir les médecins. Donc, il aimait pas ça. Il croyait pas à ça. Peut-être qu'il avait peur, quelque chose comme ça. Bref, ses blessures, la sévérité de ses blessures. Oui, ça? Oui, ouais. Oui. Hein? Donc, il ne sera jamais connu. Pendant un bout de temps, il était incapable de nourrir les pigeons, étant donné qu'il était cloué au lit. Il a réussi à marcher de nouveau au printemps de 1938. Mais près de la fin de sa vie, il a visité un parc. En fait, il visitait le parc à tous les jours pour nourrir les pigeons. Il en a pris un sous son aile, si on veut. Il a commencé à apprécier un de ses pigeons blancs, particulièrement. Il a dépensé plus de 2 000 $ pour le réconforter, alors que l'oiseau était blessé lui aussi. Donc, il a dit qu'il aimait ce pigeon comme un homme aimerait une femme et que la pigeonne, j'imagine, l'aimait aussi. Il en parlait au féminin, voilà. Ben, donc, là, au moins, là, si en plus, il avait fallu qu'il s'y trive sur un pigeon, ça aurait été malaisant. Outrage! donc, il disait qu'en autant que sa vie avait une raison d'être et la raison d'être était le pigeon. 9 vedettes de la porno laissent les fans toucher à leur sein, à leur poitrine, pour bien sûr une œuvre de bienfaisance. Ça n'a pas de chance. Ah, OK, ben oui. Donc imagine-toi le ALS Ice Bucket Challenge, mais enlève la glace et rajoute des... Fait que tu vides des sauts de... Des sauts de sein. Des sauts de sein sur la tête, c'est ça? Cuisse ou poitrine? Viande blanche ou viande bleue? Les deux. Donc, l'idée derrière ces 9 porn stars qui montrent leur sein, dans le fond, ils font leur part pour aider la cause de Stop AIDS, pour arrêter le sida, bien sûr, au Japon. L'événement s'appelle Boob Aid, si on veut. Ah, ben c'est parfait, ça. Ouais, hein. Pendant 24 heures de suite, ces femmes philanthropes enlèvent leur brassière et permettent à n'importe qui de venir s'approcher d'elles et de toucher à leur sein, vraiment faire un cop. Mais ils doivent payer en premier, bien sûr, et leur argent va vers la campagne pour aider la campagne Stop AIDS. C'est pas la première fois que cet événement-là a lieu. Ça arrive à chaque année depuis 2003. Et cette année, pour la première fois, ça va être diffusé à la télévision pour adultes. Ah oui? Ça, c'est cool. Ben oui, pourquoi pas? Tu sais, t'as qu'à le faire. Tu ramasses encore plus d'argent si c'est sur la télé câblée. Les gens, tu sais, j'imagine, vont pouvoir faire des dons via la télé aussi. Ou pas, puis juste regarder. Oupa! Voilà. Le fameux poste 3X, là, Youpa. Ah oui, c'est juste après, genre, tu te trompes dans le guidorat, t'as Youpa, puis t'as Oupa! Puis la chaîne des émissions que t'aimes pas, ben c'est regarder ça ou pas. C'est, ouais. Ou pas. Il n'y a rien d'autre. Oh, ça, on verra. Voilà pour un très, très court, mais large. Hein? Il était trapu. C'est ça. C'est un petit kinky trapu. TST. Il n'y a pas de parole après. Non. Mais c'est parce que qu'est-ce que tu veux dire? On va le trouver. Qui a essayé de dynamite? Ouais, c'est Dan Dynamite. Mais tu sais. Ouais. Tu sais quand ça explose, cette histoire-là? Des fois, il ne faut pas trop chercher trop loin. Non, mais. Rien n'empêche d'aller toujours plus loin, t'sais. Un peu plus loin. Bref, Kick Sexy Time, on fait ça d'habitude les mardis. Là, cette semaine, c'est n'importe quoi. On fait ça quand ça nous adonne. Jugez-nous pas. On va retourner en musique. On va entendre une petite chanson avant que Alexandra Carignan s'en vienne faire sa chronique Le Temps d'une Culture. On va entendre une pièce de notre ami Clément Jacques, qui est sur le palmarès francophone. Je suis sur leur place. Non. Non, sûrement parce qu'il a quitté le palmarès depuis la dernière fois, mais c'est encore dans le rack, fait qu'on va le jouer. Ah. Donc, cette pièce de Clément Jacques s'appelle Dans nos cœurs, la voici à l'instant sur C'est fou. Quand on a faim. FM. Clément Jacques est la pièce dans nos cœurs à Assemblage Requis. Au retour, Alexandra Carignan, temps de culture. On va aussi parler de choses qu'on peut célébrer en septembre. Yeah, septembre! C'est-tu le mois du beurre? Si j'allais le dire. Ah, on se comprend trop, tout le monde. Tu peux. Restez là, on revient dans deux minutes. Fou de musique. 89.1. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage Requis avec Stéphanie Paradis. Et avec Mathieu Plante. On va parler d'art et spectacle tantôt, mais avant ça, je me suis dit que ce serait un bon moment. Le mois de septembre commence, on est rendu quoi, le 3? Ouais. Parce qu'hier, on était le 2, c'est le début de la saison. Je pense qu'avant hier, c'était le premier. Le 1. Oui, avant ça, c'était le 0, j'imagine, septembre. Oui. Avant ça, moins 1 septembre. Oui, exactement. Tout tourne autour du mois de septembre. À cause du beurre, de septembre beurre. Exactement, on reste collé dedans. Donc, ce qu'on va faire rapidement, c'est vraiment une chronique super rapide. C'est parler des fêtes qu'on peut célébrer en septembre. Donc, voici à l'instant même que commence la chronique qu'on fait jamais. C'est son foutu palmarès. On l'a fait jamais parce que l'intro prend toute l'émission. Enfin, on n'a pas le temps. C'est ça. Oui. On fait un top sur quelque chose de pertinent et d'intéressant. Hein? Tu vas être pertinent? J'ai des critères. Ça. Donc, on fait le top des fêtes à célébrer dans le mois de septembre, Steph. Parfait. Et on va commencer avec les fêtes qui n'ont pas vraiment de jour, mais plus c'est le mois au complet. T'sais? Ah, parfait. Okay. Comme ça, on est sûr de ne pas être en retard. C'est ça. Tu peux célébrer maintenant, plus tard, remettre à plus tard sans cesse. Ou si on tous les ça. Jours. Ou tous les jours. Donc, on a entre autres en septembre le mois. C'est le mois des rédacteurs en chef et journalistes et autres trucs. Ah oui? C'est vraiment là le mois de septembre. Ah! C'est cool, hein? Ensuite, on a le mois national des chapeaux d'automne. C'est quoi ça? Ben, des petites tuques minces, mettons, j'imagine. C'est une petite tuque, là, c'est vraiment juste pour te. Les oreilles, juste le dessus de la tête, mais tu sais, en petite laine. Vraiment. Ah ouais? Pas, c'est pour l'automne, des manteaux, des chapeaux d'automne, pas d'hiver. Ça, c'est un autre mois, j'imagine. OK. C'est le mois de décembre. Probablement. C'est aussi le mois du beurre, mais à l'ail. Oui, c'est ça. October, lui. October? C'est le beurre d'arachide. Le barbecue. OK, le barbecue. C'est tellement pas le mois en plus, octobre. Et novembre. C'est bizarre qu'il ait mis ce mois-là, en octobre. Puis novembre. Ben non, mais c'est parce que c'est ma fête. Puis okay. Moi, j'ai décidé que je faisais du barbecue. OK. November? Ouais. Le beurre d'arachide. Voilà! Jackpot! Yeah! Oh, j'ai dormi tout le mois de novembre tout d'un coup. Là, on invente des affaires. C'est pas tout le temps pertinent comme ça, la chronique. C'est aussi le mois national des chats. Heureux. Chat heureux. Happy cat. Heureux? Oui, chat heureux. Le mois national du miel. OK. Qui va avec le beurre d'arachide. Très bien, d'ailleurs. Le mois national des champignons. Hein? Ah. Le mois national du lait frappé, milkshake. Oh! Le mois national de l'autopromotion sans avoir honte, comme, mettons, dire d'écouter les palmarès assez fous entre 14h et 17h les jeudis, ce serait le mois de l'autopromotion. Exemple, au hasard. Au hasard, complètement. Ouais. Le mois des cadets de la mer. OK. Tu sais, sur la mer. Pas ta mère. Sur la mer. OK. De l'eau. Oui, merci. Le mois national du 1 contre 1, one-on-one. Je sais pas si c'est du basket ou quoi. On dirait du sport. Mais ça pourrait être n'importe quoi. On peut faire parler. Un combat de pouce. Ouais, un combat de pouce. On fait se jaser. C'est comme une conversation one-on-one. Ouais, ouais, ouais. Mais un combat, il faut qu'on argumente. OK. Moi, je dirais qu'on ferait pas ça. Non, non. Non. Tu veux argumenter contre argumenter, trop longtemps. Oui, on le fait. OK. Non, on c'est, fait c'est pas. C'est la continuité ouais, de ouais. Et c'est le mois national aussi de faire plaisir ou gâter ou plus lui donner du plaisir, si tu vois ce que je veux dire, à ton copain ou ta copine. Pleasure your mate month. Oh. Sexuellement parlant, on s'entend, là. Hein? Oui, c'est pas en y offrant un milkshake. Ben, tu fais ce que tu à veux. À ton chat. Tu y offres un milkshake à ton chat. Milkshake au miel et aux champignons. Puis là, il va être content. Ça et va être un Happy Cat. Puis il va rentrer dans les cadets de la mer, mais pas de oui, sa mère. Ben, non, mais il n'aime pas là, l'eau, les chats. C'est bien raison, pas l'eau. Ça dépend des chats. Le 4 septembre, maintenant, c'est le mois. En fait, c'est la journée. On est rendu oui, la journée. Oui, le 4 septembre, c'est le mois de... De ceux qui livrent le journal. Mais tu sais, ça reste avec la thématique des journaux rédacteurs en chef, journalistes, ouais, ouais. etc., etc. Donc, c'est célébré annuellement à l'anniversaire de quand ils ont engagé Barney Flaherty comme premier livreur de journal, le 4 septembre 1833, engagé par Benjamin Day, l'éditeur du New York Sun. Donc, c'était le premier paperboy, Barney Flaherty. Oh, je savais pas qu'il s'était recensé quelque part sur le premier camelot... Dans un journal intime à quelque part, genre, aujourd'hui, cher journal, aujourd'hui, j'ai engagé mon premier livreur de journal. Le 5 septembre, c'est la journée, soyez en retard pour quelque chose. Ça, c'est après-demain, là. On parle de vendredi. Soyez en retard pour quelque chose. Ah, oh, non. Non, je suis pas capable. Mais vendredi, on n'a pas d'émission? Non. Fait que, soyez en retard pour autre chose qu'une émission. Non, je suis pas capable. Pas capable. Moi non plus, non. 7 septembre, c'est la journée nationale des grands-parents. Ah, oh, c'est bien. En plus, je vais voir les miens, ce qui arrive jamais. Ah, ben tu vas pouvoir leur dire, hey, grand-papa, grand-maman, dépendant de quelqu'un qui est mort. Aucun. Ben, félicitations. Pas dans ces deux-là. Pas dans, c'est ça. T'sais, ailleurs dans la vie, il y a des gens qui sont morts. Ouais, c'est ça. Donc, c'est célébré annuellement le premier dimanche après la fête du travail depuis 1978. Plusieurs autres pays ont leur propre version, des fois pendant l'année, un peu n'importe quand. Mais bon, ça veut pas dire nécessairement que les grands-parents, que les grands-mères et les grands-pères partagent leur journée. Dans d'autres pays, ils sont séparément. Ouais. Le 10 septembre, c'est la journée nationale de s'échanger des idées. Okay. Donc, c'est pas moins une célébration, c'est plus un rappel. Gardez pas vos bonnes idées pour vous, partagez-les avec les autres. OK. Ça veut pas dire vantez-vous d'avoir eu une bonne idée, là. Journée d'idées. C'est pas la journée nationale de se vanter. C'est le lendemain. Le lendemain. C'est bon ça. Le 13 septembre, c'est la journée les enfants prennent la cuisine. Donc, vous volent votre cuisine. C'est une célébration qui a été instiguée. La vie, tu me. C'est ça? Ça vient de là, ça? C'était quoi, ce tune-là? Je sais pas. Donc, c'est les Young Chefs Academy. Donc, qui ont. Ben, en fait, c'est là. Qui a. En tout cas, bref, c'est eux qui ont fait ça, hein? Pour enseigner la cuisine aux enfants. Mais c'est une bonne chose, ça? Oui, tout à fait. Déjeuner au lit, peut-être, ce jour-là, ce serait pas pire. Manger des bonnes omelettes avec des coquilles d'œufs dedans. Ah, miam, miam. Le 14 septembre, la journée nationale de câliner votre chien. Mais en fait, ça dit « Hug your hound day ». Je ne crois pas que « hound » soit une sorte de chien. On parle de chien en général. C'est à ne pas confondre avec la journée nationale des chiens, qui est le 26 août, hein, ou la journée nationale des chiots, qui est le 23 mars. On parle bien de la journée « câliner, coller votre chien ». Si on n'en a pas, on va en acheter un. Juste pour le câliner. Après ça, tu te fais rembourser, mais au moins, ta job est faite, ça. Ou on pourrait aller à la SPA pour câliner tous les chiens. On s'en va. OK. Bon, ben allons-y. On revient l'année d'après. Dans quelques instants, après l'émission, on va là. Donc, ça encourage les propriétaires d'animaux de compagnie à câliner ou à montrer de l'affection à leurs chiens. Le 16 septembre, c'est la journée de Anne Bradstreet. C'est qui ça? Ben, le 16 septembre a été déclaré une fête, un jour de fête par le gouverneur du Massachusetts pour rendre hommage à cette figure de l'histoire américaine, de la littérature américaine en fait, Anne Bradstreet, qui a émigré avec sa famille en 1630. On considère que c'est la première poète américaine. Donc elle a écrit en 1650 « The Tenth Muse Lately Sprung Up in America », édité sans sa connaissance, sans son savoir. Elle ne savait pas que ça avait été édité. Son livre, mais c'est en 1650. 18 septembre, c'est la journée nationale de donner un câlin à ceux qui écrivent des cartes de souhaits. Ça commence à être précis pas mal, hein? Ah, ouais. Si t'es capable d'en trouver une personne qui écrit des cartes de souhaits. Mais ça, j'ai déjà vu un film que le gars, son but dans la vie, c'était d'écrire des cartes de souhaits. Wow, hein? Tu sais, genre Adam Sandler ou... cochonnerie de main. Ça se peut, parce que les cartes de souhait, c'est de plus en plus générique. Ça veut de plus en plus... c'est rempli de pas d'émotion. Sais-tu c'est quoi j'ai vu parlant de cartes de souhait en fin de semaine? Des cartes de souhait pour l'Halloween. Hein? Joyeux Halloween! Mais, Bouh, genre. Mais ils sont vraiment cute, les cartes. Mais mon Dieu, qu'est-ce que tu veux dire? J'en ai ouvert une et c'était... Il paraît que c'est l'Halloween! Yeah, boy! Je te jure, j'étais comme, ben, plus qu'il neige, plus qu'il y a la neige. C'est tellement comme... Anodin, ben, bravo. Wow, mais si la petite carte pouvait jouer une genre de musique épeurante, mettons, puis là, t'aurais une histoire de peur, là. Mais je pense que c'est des petites cartes mignonnes pour les enfants quand même très jeunes, Mais les enfants très jeunes, ils n'en ont rien à cirer non. des cartes. Mais non, c'est ça. Donne-leur des bonbons. C'est ça, quand tu vas arriver à la maison de quelqu'un qui va donner une carte d'Halloween, hein, après ça, tu vas recevoir des œufs dans tes fenêtres assez rapide, hein? Assez rapide? Non, non, je pense que c'est plus pour les parents avec leurs enfants. Ouais. Tu donnes pas ça avec les bonbons et tu vas te faire lapider. Aïe. Le 19 septembre, la journée internationale de Parlons comme un pirate. Ça, c'est très populaire sur Internet. Google, des fois, devient donc, c'est une fête quand même assez connue. Ensuite, le 22 septembre, la journée nationale des femmes d'affaires américaines. Hein, c'était reconnu pour... Nord-américaine ou je veux dire américaine pour le continent ou pour les États-Unis? D'après moi, c'est très américain. C'est centré sur les États-Unis pas mal. Donc, reconnu pour la première fois par une résolution au Congrès en 1983. Ça rend hommage à la moitié féminine des États-Unis. Donc, celle qui travaille, bien sûr. C'est célébré lors de l'anniversaire de la date de fondation de l'American Business Women's Association. C'était en 1949. Ah, ben c'est intéressant. Ouais. 22 septembre, la journée des Hobbits. C'est lors de l'anniversaire de Frodo et Bilbo Baggins. Les fans de J.R.R. Tolkien célèbrent tout ce qui est Seigneur des Anneaux. Des Agneaux. Seigneur des Anneaux, on sait que c'est Seigneur des Anneaux. Je me suis juste enfargé. Donc, c'est ça. C'est une célébration de tout ce qui est Tolkien et tout. Le 24 septembre, c'est la Journée nationale de la ponctuation. Ah! Ça, on aime ça. Une fois par année, on apprécie la différence entre une virgule, un point-virgule, un point d'exclamation, un point d'interrogation. Ou juste l'intérêt, des fois, de mettre une virgule. Oui. Les gens oublient de mettre des virgules pour... Il y a le classique, l'exemple classique. « Viens manger, grand-maman » ou « Viens manger, grand-maman ». La virgule prend tout son sens ici. Tellement vrai. Donc, ce sera le 24 septembre. Le 26 septembre, c'est la journée « Donner un câlin à un végétalien ». Hein? OK. Ouais. Je vais mettre une annonce tout de suite sur Kijiji pour en trouver un. Donc, c'est vegan, bien sûr, et non pas juste végétarien normal. Voilà. Ensuite, le 27 septembre, c'est la journée où on donne l'amnistie aux poissons. Donc, les poissons... Pardon? Pardon? Ça veut dire qu'on ne les pêche pas. On leur donne une petite pause, une amnistie. Un pardon de tout ce qui est chasse aux poissons. Est-ce qu'on peut dire qu'on chasse le poisson? On pêche le poisson. On pêche le poisson. Mais en même temps, c'est un animal, on le chasse. Mais chasser, je sais pas. Ah, le chasser, probablement, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on le gonne dans l'eau. Tu sais. Parce que tu le tires, tu le chasses, alors que l'autre, tu fais juste l'attraper. Tu sais. Oui, c'est super pratique de tirer des truites à la carabine. Ben là, shooting fish in a barrel, hein, c'est aussi facile que tirer sur des poissons dans un baril. Hein? Ouais, oui. Comme les expressions américaines. Je suis sûr que c'est pas si facile que ça. Je sais pas, j'ai jamais essayé. C'est quelle sorte de poisson, tu sais? C'est-tu des sardines en canne? C'est-tu des poissons genre goldfish à biscuits au fromage? OK, ça c'est ton genre de poisson. C'est mon type de poisson. C'est tes références. C'est ça. Si ça se mange, hein? C'est un poisson. C'est un poisson qui se mange. Oui, oui, oui. Le 29 septembre, la journée... faut que je traduise parce que les mots en anglais, c'est comme exactement le contraire probablement. Ça. Non, c'est la journée nationale de se présenter à la naissance de ton petit-fils ou petite-fille nationale. Pas le petit-fils, mais la journée. T'sais, c'est la National Attend Your Grandchild's Birthday. Birthday. Donc, c'est quand même bizarre. On ne sait pas pourquoi c'est un événement national ou comment tu es supposé célébrer si ton petit-enfant n'est pas né le 29 septembre, mais c'est quand même la journée nationale où il faut célébrer la naissance de ton petit-enfant. Ça, c'est bizarre. Quand t'es grand-parent, oui. Merci, Mental Floss. C'était les fêtes qu'on peut célébrer par le mois de septembre. Toutes plus pertinentes les unes que les autres. C'est ça qui est le fun dans cette chronique-là, c'est de la pertinence. Plus tard à l'émission, Alexandra Carignan, hein, on l'a dit. Mais avant ça, on va entendre une pièce de Pie Pie sur leur album Pagan Day. C'est leur plus récent extrait. Ah, celle-là, ça dit quelque chose. Tantôt, c'était ça que tu me faisais. Ben tu oui. faisais comme des... Miam, miam, manger, je comprenais pas. Ben, je monte la pochette, puis c'est ça, je faisais aller, mais tu sais, comme quand tu te tapes sur la tête, tu frottes le ventre. Le ventre, tu frottes la tête, tu te tapes le ventre. Les deux. Donc, Pagan Day, New York, tout de suite. Mathieu, pas au Mathieu Blanchot. Wow, pardon. Assemblage requis. Suffit l'égocentrisme. Je sais pas, parce que. Peut-être parce qu'on est mercredi, puis c'est mercredi dans le temps. Puis moi, là-dedans. Je t'en reviens plus tard. Yeah! tarte, tarte. Non, Pie Pie et New York. Oh, tarte, tarte, ça me va. Pas tartare, par contre. Non, tarte, tarte. Tarte, tarte. Toujours assemblage requis, on était en plein milieu de son foutu palmarès. Deuxième partie, on fait un petit top sur les cures de l'insomnie. Moi, j'ai des difficultés à dormir ces temps-ci. Apparemment que ça arrive dans la vie de tout le monde, peut-être dépendant de l'âge, de tes situations de vie. Ça peut arriver de l'insomnie, ça finit par partir tout seul, mais on peut essayer d'aider la nature. Pourquoi pas? Si on peut trouver des moyens et les essayer, pourquoi pas? Si du lait chaud n'est pas assez pour vous, parce qu'on conseille des fois du lait chaud. C'est juste pas bon. Ben, moi, j'aime pas le lait, tu sais. Hein? Imagine chaud. Imagine comme s'il sortait direct du pis. Pie pie. Donc, on commence avec Lettuce Opium. En Égypte, dans le temps, on buvait un mélange de lactucarium, qui était un latex psychoactif, supposément, et laiteux, qui venait des branches, stems, ou si on veut branches, de la laitue. Ça contient un peu de lactucine ou lactucin, qui est un sédatif. Intéressant quand même. Ensuite, Dormouse Fat. OK? Donc, c'est une sorte de souris. Attends, on va juste chercher Dormice en français pour être sûr. Parce que c'est sûr que Dormice, j'imagine que mice doit être une souris. Dormouse. Attention. C'est un loir. Un loir? Un loir. Ça, oh boy! On va aller loir sur Google. Ouais. C'est ça que je fais là. Parfait. Loir, ça c'est le fleuve en France. Je pense que je suis pas à la bonne place. Non, c'est une sorte de roche, je vois les images. Là. En tout cas, bref. Donc c'est une sorte de souris. Elles grossissent, elles prennent du poids avant d'aller à une hibernation. Les Romains se sont dit que... Les rats. Les Romains, incroyable. Ah. Donc que s'en tartiner sur les pieds, donc se tartiner de gras de rongeur était sa façon, leur façon en fait de s'endormir à l'époque. Ça, c'est bizarre. Très bizarre. Le magnétisme ensuite, à l'époque victorienne, on croyait que les aimants pouvaient régler ou soulager à peu près tous les problèmes de la perte de cheveux aux indigestions. Charles Dickens ne jurait que par ça. Il disait que pointer son lit vers le nord allait attirer le bonhomme 7 heures. Le magnétisme mais oui. Du nord allait attirer le bonhomme 7 heures. Ben, tu sais, bonhomme 7 heures, le Sandman, celui qui fait dormir. Bonhomme 7 heures, c'est lui qui fait peur, c'est quoi? Le marchand de sable. Marchand de sable, voilà, plus ça. C'est pas pareil. Ben, pour prendre tout. Ben, le bonhomme 7 heures, qu'est-ce qu'il fait? Le bonhomme 7 heures? Ouais. Ben, il est méchant. Si c'est à 7 heures, t'es pas au lit, il va venir te briser les os. 7 heures du matin? Non, du soir. C'est le bone 7 heures. Bone. Mais c'est vrai? Ça vient de là? En anglais, c'était le bone 7 heures. Hein? Ben, voyons. C'est devenu le bonhomme 7 heures en français. Incroyable. Ça, c'est intéressant. non, c'est vrai. Le lait maternel est la prochaine solution, cure pour l'insomnie. Au 16e siècle, le physicien français Antonio Misolde suggérait à ses patients de frotter leurs sourcils d'eau rose water, de l'eau de rose, c'est ça, à l'eau de rose, ouais. De vinaigre et d'un onguent qui était un petit peu garni de lait maternel. Yeah. Tout ça sur tes sourcils pour dormir. OK. Là, il y a plein de mots en anglais. Là. On va se le dire. Là. Je vais aller les chercher en même temps pour savoir quoi vous dire. Donc, c'est une potion qui contenait le liquide d'un animal castré. Est-ce que tu peux, ton internet va peut-être mieux de ton côté. Là. Un gall. L'animal gall. G-A-L-L. Non, excuse-moi. Boar. B-O-A-R. Et gall, ça doit être une partie de son anatomie. Donc, bref, on appelait ça le dwell. C'est un élixir qui était commun comme anesthésique pré-chirurgie. C'est aussi rempli d'opium. Donc, boar. C'est le sanglier. Un sanglier. Et son gall. Je crois que gall bladder, c'est genre, ça doit être proche de la vessie, quelque chose comme ça. Mais bref, donc, d'un de ces sangliers-là, c'est une potion faite à partir de ça. Ensuite, la cire d'oreille de chien. Girolamo Cardano, un homme de la Renaissance, voilà, suggérait de mettre ça sur tes dents, de la cire d'oreille de chien. Oh mon Dieu, je préfère plus jamais dormir. Et en passant, Cardano, qui est le fondateur de la probabilité, de la théorie, pas de la théorie, mais qui a au moins sorti le terme de la probabilité. Et finalement, le Hemlock Poultice, c'est le journal, le Canadian Journal of Medical Science en 1879 qui recommandait ce qu'on appelle le Hemlock. Donc, la plante empoisonnée, mais en tout cas avec du poison dedans, pouvait t'aider à dormir pour toujours. Donc, en utilisant le Hemlock Poultice, qui doit être, j'imagine, similaire à ou proche de pouvait t'aider à dormir aussi. C'est ce qu'on sait. Voilà. J'imagine que la dose n'est pas la même. Sûrement pas. Exact. Donc, ce sont 7 cures historiques pour contre l'insomnie. Voilà. Toi, c'est quoi tes trucs contre l'insomnie? J'en ai pas trouvé qui fonctionnait à date. J'ai essayé du bruit de fond. Il y en a qui aiment beaucoup dormir. Le white noise. Le bruit blanc. Ben, il y a des bruits blancs, il y a des bruits bruns, il y a des bruits dans ça. Ça, c'est l'album de Bernard Adamus. Ouais, exactement. C'est ça. L'hiver est long en tabarnouche. Ça, c'est Bernard Adamus, hein, en imitation. J'ai essayé donc du bruit de fond, j'ai essayé de la musique que j'aime pour m'endormir. Tu sais, je connais quelqu'un qui écoute du métal avant de s'endormir. Ok. Si vous écoutez, c'est fou, vous savez probablement par processus d'élimination c'est qui. C'est Alain Lefebvre. Donc j'ai essayé, qu'est-ce que j'ai essayé aussi? J'ai essayé de mettre des rideaux plus sombres dans ma chambre, okay, pour vraiment baisser la luminosité. Mais bon, il n'y a rien qui fonctionne là-dedans. Ben, coudonc. Coudonc. Je te donnerais bien des trucs, mais je ne vais pas t'écœurer, mais moi, je m'accote la tête sur n'importe quoi et je peux dormir. Même assise? Voilà. Ok, oui. Non, assise, j'ai même la misère à dormir. Écoute, non. Moi, si tu me dis, ben c'est là qu'on dort, on se couche, puis ben c'est fini. Je dors. Donc, mettons que j'arrête tout ça, puis on s'en va se coucher. Comment? Off-neuf. Bon, hey, Steph. Oui? Je te réveille. Pardon. Quelle bonne nuit de sommeil. Oh, on vient dans quelques instants avec le poste d'écoute. Oh! Non. Ah, ça me l'a joué qui resserre. Fou de culture. 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Toujours Assemblage requis avec Stéphanie Parazzi. Et avec Mathieu Plante. On attend toujours la présence d'Alexandra Carignan. C'est confirmé qu'elle va venir avec nous en fin d'émission pour sa collègue Le Temps d'une culture. Mais d'ici là, Steph, on va s'écouter de la nouvelle musique parce que cet été, on a un petit peu juste écouté du palmarès à Assemblage requis. Ben oui. C'était bon et on jouait comme 3 pièces par émission. Fait qu'à un moment donné, tu choisis le meilleur du palmarès. Hein? Oui, effectivement. Pour vrai, je pense qu'à chaque semaine, depuis le mois d'août, on joue 3 pièces, 4 maximum. Les meilleurs. Les meilleurs. À notre goût, à nous. Exact. C'est ça, selon nos propres critères de sélection très, très précis. Genre. Oui. Mais donc, ce qu'on va faire, c'est ta chronique récurrente, maintenant que tu es de retour en permanence à Assemblage requis, jusqu'à preuve du contraire. Oui, on va pouvoir faire le poste d'écoute d'Assemblage requis. C'est le poste d'écoute d'Assemblage requis avec Stéphanie Paradis. Eh bien oui, ça c'est moi, ça. Enchanté. Hey! Comment allez-vous? Ça va bien, vous? Bien, merci. Formule de politesse terminée. Oui, donc on peut recommencer à se tutoyer et à s'envoyer promener. À qui de droit mange la main? Veuillez agréer mes envoiements de chier. Wow, le vulgaire, là. Donc, on écoute un nouvel album qu'on a, que tu as, en fait, trouvé dans la discothèque de nouveautés, là, dans la banque, dans la boîte. C'est ça. Donc, mais là, c'était l'été, donc c'était quand même restreint. On s'entend, il n'y a pas tant de trucs que ça qui va sortir l'été. Bon, en tout cas, ils nous le disent pas si ça sort. Mais je crois que j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. C'est la formation Bad Sons. Et aujourd'hui, on va écouter en fait des pièces de son premier album qui est Language and Perspective. Mais est-ce que c'est Bad Sons comme des mauvais fils ou des méchants soleils? Ah, les méchants soleils. OK. Oui. Ça aurait pu. Non, c'est Sons avec un U. OK. La formation Bad Sons est composée de Christo Bowman, Gavin Bennett, Miles Morris et Real Libby. On va dire c'est Libby. La formation a été fondée en 2012 à Los Angeles. Et là, ce qu'on va écouter, je te dirais, eux autres, ils considèrent ça comme du indie rock. Okay. Dans le iTunes... Food indie rock. Dans le iTunes, ça dit indie rock. Oui. Eux autres, c'était juste comme indie, mais c'est assez large. Moi, je te dirais que c'est très pop catchy. OK. Donc, je te laisse imaginer un peu ce que ça va donner. Et je nous envoie déjà la première pièce. qui est ma préférée. On commence tout de suite avec ma préférée et on s'en va entendre Salt de Bad Sons. Dans le poste d'écoute d'assemblage requis. Stuck inside of the wrong frame. I don't feel attached to this thing. My body I must reclaim. With different eyes and no shame. Just hear me out. Don't ask why, why. But I'm taking this road. It's alright, right. It's what I tell myself. But I don't know, no. So I ran till I couldn't. And I screamed till my voice is gone. I believe what I shouldn't have. I don't know why. But these memories are nothing to me. Just salt. Look in the mirror and tell me what it is like to be free. How do I grasp reality when I don't have an identity? Can I look through? Cause I'm not like you. And I don't believe in the truth. Cause all of my life's built on lies. Reality when I have that identity. Vous êtes toujours au poste d'écoute. On vient d'entendre We Move Like the Ocean de Bad Sons, The Sons Soleil. Et au début du bloc, c'était Salt. Hein? Comme le sel. C'est ça. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai bien aimé, ça sonne très rétro. Je sais pas, ouais. T'as l'impression que ça date vraiment beaucoup, mais c'est de cette année, ça. Ben, je pense que c'était vraiment le but derrière tout ça. On s'entend, c'est pas du hasard. La nostalgie, on aime ça des fois. Oui. Oh. Si on poursuit, l'album est quand même récent. C'est sorti, cet été. Il était disponible sur iTunes le 24 juin et ensuite partout le 1er juillet. L'album a été produit par Eric Palmquist, hein, que tu dois connaître. Palmquist, hein, embrassé par une pomme de main. C'est ça. Qui a produit, entre autres, les albums de Mars Volta. Oui. C'est ça. Puis, si ça t'intéresse, Mathieu, ils vont être en spectacle à Toronto le 6 septembre, donc c'est dans 3 jours, ou pas mal présentement, si on est en rediffusion. On sait plus, là. Honnêtement, j'ai jamais été bonne là-dedans. Peu importe, hein. Bref, le 6 septembre, va être en show à Toronto au Riot Fest. Ça te tente-tu? On s'en va le road trip. On s'en va à Toronto. Donc, on va continuer encore en musique, toujours au poste d'écoute. Et on s'en va entendre un autre bloc de 2 pièces. On va terminer ça avec Sleep Paralysis, mais on commence avec Rear View de Bad Sons sur l'album Language and Perspective. Ah, c'est un blanche là qui... T'en veux pas se d'écoute. T'as un accent anglophone. Ouf. I knew. I knew. C'était ma faute, ça, mais ça paraît pas. Pas de trouble. Le début était bon, fait qu'on a écouté le deuxième. You let your hair down, your face is made up, you know this town so well. You talk a lot, it's okay, pretend that you look the same. A crown of a different edge, you wonder where it went. You're so far from home, trying to fill a hole. Sunset in the rear view, losing all control. And not in the chateau, it feels so far from home. Sunset in the rear view, losing all control. Losing all control. Third quarter moonlight, rev of an engine, the rusty knee. Complain a lot, it's okay. The city just ain't the same. Shadow of a brighter day. You wonder where it went. Oh, feel so far from home. Try to fill a hole. Sunset in the rear view, losing all control. And not in the chateau. You feel so far from home. Sunset in the rear view, losing all control. We'll be right back. Le poste d'écoute. C'était Review de Bad Sons. Et ça, c'est en début de bloc. Oui. Et là, c'était Sleep Paralysis. Ça, c'est ce qui vient de jouer. La. La, la, la, la, la. Et c'était au poste d'écoute. Yay, le retour. Oui. Yay. Pas le fun. Est-ce qu'on le fait à chaque semaine? On fait quoi avec ça? On fait ça à chaque semaine. Chaque semaine, le poste d'écoute avec Stéphanie Paradis. Mais hein, la vie est trop courte pour sauter une semaine sans nouvelle musique. Allô? Allô, bonjour, comment allez-vous? Allô, bonjour, c'est la nouvelle émission matinale, c'est fou. C'est ça, c'est nouveau. On s'est inspiré d'un vieux concept, on s'appelle et on déjeune, avec Simon dans le temps. On appelle ça Allô, bonjour. T'sais? On s'est pas inspiré de Salut, bonjour, parce qu'on ferait pas ça. Mais non. C'est juste pour non. dire qu'on fait pas ça. T'sais. Mais non. J'avoue qu'on s'appelle et on déjeune, ça fait on s'appelle, puis tu fais quoi quand tu appelles quelqu'un? Salut, bonjour. Ah. Je sais pas, nous autres, moi avec mon père, on s'appelle Ponsecœur. Ouais. Je sais pas trop d'où ça vient. C'est dans une. Il y a une toune de Tremblay, Maxime Libé Tremblay, qui dit ça dedans. On s'appelle Ponsecœur. Ils disent ça dans une galaxie aussi. Ouais. On s'appelle Ponsecœur. T'as-tu vu aussi, hey, parlant de Maxime Desbiens Tremblay, là, ça voit, Manolo, là? Manolo, ça veut absolument rien dire, puis on parle parce qu'on a rien que ça à faire. Mais à la chaîne Uni, OK, qui est la chaîne dérivée de TV5 Québec-Canada. C'est une version pour le Québec francophone à l'extérieur du Québec. Okay? Ça s'appelle Uni, UNIS. Ils diffusent là, Ramdam à partir de la première saison. Ah, c'est intéressant. Ben moi, je trouve ça vraiment intéressant. Pour ceux que ça intéresse, c'est intéressant. Comme on dit. Genre, moi, je trouve ça cool. Tu vas-tu réécouter ça? J'ai pas la TV. Ah! Oh. Ça se peut-tu un gars comme moi qui ne regarde que de la télé n'a pas de télé? C'est horrible. Horrible. Mais c'est ça, c'est parce que je garde mon argent. J'ai pas arrivé chez nous parce que je garde mon argent pour pouvoir acheter des gadgets sur Internet dans Ça existe. Mais ça ne devrait pas, là! Transition de la c'est mort. Parfait. C'est parfait. C'est Ça existe, mais ça ne devrait pas. Là, une chronique qu'on fait assez fréquemment parce que Colin, c'est la plus fun à faire. Ça te divertit. Ah, on aime ça, on aime ça, on aime ça. On commence avec une façon. Tu me disais que tu t'en vas en fin de semaine. Explique-moi, tu t'en vas faire de la chasse, du camping, de l'orignal, de Cébuff. C'est quoi, t'as chassé l'orignal avec ton père? Non. J'écoutais pas comme faux. Hein? On s'en va les observer. Excuse-moi. Mon père fait de la photographie. Okay. Jamais il ne tuerait un orignal. OK, c'est le facteur que j'avais. On s'en va observer les animaux et faire de la photographie, de la randonnée, puis d'en faire dans le bois. OK. C'est-tu c'est un combat genre de staring contest? Là, tu te regardes dans les yeux, puis c'est le premier qui arrête de regarder ou qui rit, qui perd? Je te tiens par la corde de moi. C'est des barbichettes, ça, des orignaux. Ça, tu peux pas jouer à la barbichette avec les orignaux. Ah ouais. Cool. Si t'es game de le toucher. T'essaieras ça, tu m'en donneras des nouvelles. C'est gros. Donc, tu te promènes comme ça dans le bois, t'es prêt à faire un feu de camp quand ben même. Ben oui, on veut dîner. On veut dîner, mais t'es. Ouais, ben c'est pas de manger de l'orignal. Non. Mais là, tes allumettes sont toutes mouillées, humides. Parce que t'es tombé dans le lac. C'est ça. Ton briquet, il n'y a plus de liquide, il n'y a plus de gaz dans ton briquet. De toute façon, tu fumes pas, tu n'allumes pas de chandelle dans le bois. En plus. Et t'as perdu toutes les autres options, genre une loupe, une paire de lunettes, soleil, peu importe. T'as plus aucune façon. Utilise tes lacets bottes. Hein? Oui. C'est une invention. C'est des lacets qu'on achète. C'est les Rattler Strap Flint Laces. C'est 7 strands. Il y a 7 filaments dedans. De 550. Je connais pas les termes de bottes ou de cordons que voulez-vous. Mais on peut les acheter en noir ou en brun. Et il y a une différente sélection. Pas une différente sélection. Il y a une sélection de différentes longueurs. C'est différentes sélections. C'est un peu petit. Différentes sélections de longueurs. Genre, en tout cas, il y a un petit bout de caoutchouc à quelque part là-dedans. Et puis, une rod à chaque bout du... dans le fond, c'est comme une tige, si on veut, à chaque bout de lacet. Tu tires sur la tige et tu frottes ça avec un morceau d'acier pour créer une étincelle. Et tu vas pouvoir faire un feu de camp avec ton lacet de bottes. C'est le fun! C'est pour situation d'urgence seulement, nous dit-on? Oui, c'est ça, parce qu'à un moment donné, tu n'as plus de lacet. Fait que c'est tu peux plus attacher tes bottes. Et tout ça coûte 13,95$ par paire sur Amazon. Ah, c'est quand même bien! Ben oui. Même si c'est pas le père qui l'achète, même si c'est son fils qui l'achète pour son père, même prix. Ouais, mais d'appart. Si tu tombes dans le lac, là, ouais, tu peux-tu quand même l'allumer? Ben ouais, c'est juste la sécher. C'est vraiment en cas d'urgence, donc ça fonctionne. Ça fonctionne dans tous les cas. Wow. Super. Maintenant, dans ta voiture, Stéphanie, t'as peut-être pas d'air climatisé. Mettons, situation, on s'imagine que t'as pas d'air climatisé. Fictif, bien sûr. Ou fictive. Il te faut le Kulker Solar Powered Car Ventilator. Et le soleil va rendre votre voiture plus fraîche. Là, tu vas me dire, le soleil va rendre la voiture plus fraîche, c'est complètement... Effet de serre, ça marche pas. Effet de serre, quelque chose comme ça. Donc, le cooker fonctionne sur la plupart des fenêtres. Donc, tu descends ta fenêtre un petit peu. Là, je faisais le symbole universel de la manivelle pour les sourds et muets, pour ouvrir la fenêtre. Oui, parce que si t'as pas d'air clim, t'as probablement pas les vitres électriques. J'imagine, parce que c'est une vieille voiture, mais bon, on te respecte quand même. Le panneau solaire va du côté extérieur, OK? C'est une affaire qui va se monter par-dessus ta fenêtre, le côté panneau solaire vers l'extérieur, et le ventilateur, bien sûr, du côté intérieur. Une bande de caoutchouc va compléter le son, donc ça va faire un son. Ça va vraiment être poigné sans air qui passe autour de tout ça. Et ça va empêcher les insectes d'entrer dans votre véhicule lorsqu'il est stationné. Étant donné que ça fonctionne à l'énergie solaire, ça ne demande aucun courant additionnel, pas de piles, pas de rien du tout. Le Kulker fonctionne en rejetant l'air chaud de votre véhicule. Et comme c'est monté sur le toit, dans le fond de ta voiture, c'est sur le haut de la fenêtre, c'est presque sur le toit, et que l'air chaud monte, hein, ça c'est une question de physique, là. L'air qui va sortir va être, dans le fond, votre, l'air qui va sortir, c'est de la physique, mais tu sais, c'est pas nécessairement mon domaine, va être l'air la plus chaude, et ça va refroidir ta voiture parce que l'air chaud va sortir de la voiture, d'accord? Donc, Kulker promet de garder votre voiture à 18, de baisser la température, voilà, d'au moins 18 degrés Fahrenheit. Et jusqu'à... Ah, c'est ça, bref. OK, donc on peut pas contrôler la température. Non, c'est ça. Ça remplace l'air dans votre véhicule à chaque 90 secondes. Donc, ça va refroidir le tout. Et ça va éliminer aussi les odeurs qui sont à l'intérieur de la voiture. Un peu comme les petites fans qui font le même, j'imagine, de système là, de Glade quand tu mets ça sur ton ventilateur. Ouais, mais ça, c'est juste du parfum. Juste du parfum, en face. Du push-up. Un petit matelas flottant pour les amoureux. C'est comme un genre de divan. C'est comme une causeuse, un love seat en français. Là. C'est genre un divan pour deux collés, genre, si on veut. C'est pas ça le mot. Donc ça va dans la piscine. C'est résistant à toute température. Ben, pas toutes, mais à pourquoi, plusieurs températures. Parce qu'il est grand et on peut être deux? On peut être deux. Et comme tu as vu, le milieu se renfonce un petit peu par lui-même. Donc, les côtés du matelas remontent un petit peu. Ce qui fait que ça te colle encore plus. Ah, mais c'est horrible quand c'est l'été et il fait chaud. C'est vrai. Mais t'as de l'eau chez côté de toi. Fait que tu t'en envoies dessus. Ou ça pourrait être juste pour une grosse personne. Ah oui! J'étais comme ah, blague de mauvais goût. Ah oui, dans le fond, ça pourrait l'être aussi. Oui. C'est devenu juste un oui, en effet. C'est pas méchant, c'est juste en effet, c'est un fait. Ça peut être bon pour une personne de poids. Voilà. De poids variable. Variable, exponentiel. Donc, est-ce que tu vois le prix de ton côté? 300? 300$, ce qui est vraiment cher. Très, très cher. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des straps, des bandes qui viennent avec. C'est attaché après. Tu peux brancher plusieurs de ces lits-là, un à côté de l'autre. Ah! Fait que tu finis par plus avoir de piscine, c'est juste un gros matelas. C'est comme un lit d'eau. Ah, c'est parfait. Ah, mais oui, voilà. Génial. Ensuite, ça, c'est une canette en forme de jus Hawaiian Punch. Vous savez, le Hawaiian Punch est disponible en canette. Maintenant, c'est la technologie avancée. Et maintenant, à la place d'avoir du jus à l'intérieur, c'est une canette qui est faite pour contenir vos objets que vous amenez à la plage. Donc, ça a juste l'air d'être un jus de saveur probablement dégueulasse. C'est du Hawaiian Punch. Là, c'est pas super bon. C'est super trop sucré. Peut-être que tu te le feras même pas voler tellement que les gens en veulent pas. Fait que, probablement. C'est peut-être ça le but. Peut-être. C'est 12$ pour, je crois, une seule canette. Je vais ouvrir sur Amazon.com. Oui, 11,90. C'est ça. C'est la Cutting Edge Hawaiian Punch Can Diversion Safe. Et puis, c'est ça. Ça a vraiment l'air vrai. C'est à saveur de Fruit Juicy Red. Donc, jus saveur de rouge. Oui, oui. Fruit rouge. Écoute, je vois ça, la canette, et j'ai soudainement une anecdote à te raconter. Hey, j'aime ça, cool, vas-y. On trouvait ça bizarre parce que devant notre... sur le terrain, proche de l'entrée de notre porte-patio, il y avait une canette de bière. Mm-hmm. Là, mon chum, il était un peu fâché. Il dit, si les voisins commencent à lancer leur cochonnerie en bas, c'est pas super agréable. Donc, il va chercher la canette. Et là, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? La canette est vide, mais est pas ouverte. Vide, mais pas ouverte. Oh! Donc là, on regarde, mais il dit elle est pas ouverte sur le dessus. Juste peut-être qu'ils ont fait un trou dans le bas, puis non, il n'y a aucune ouverture dessus. On ne comprend pas, la canette est vide, mais il n'y a aucune ouverture dessus. C'est peut-être juste parce que vous ne savez pas comment l'ouvrir. Il y a peut-être une twist particulière, spéciale. Faut que tu tapes 4 fois, faut que tu fasses du code Morse SOS. Écoute, on a gardé la canette et on va chercher. C'est peut-être pour ça, eux autres, ils ont acheté un 6-pack de canettes. Il y en avait une de vide, ils étaient fâchés, puis ils l'ont lancé. Ça se peut, c'est vraiment drôle. Fait que là, on a la canette chez nous, puis on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe avec cette canette-là. Ça peut arriver, un bug à l'usine. T'sais, on voit tout le temps des petits sachets de sel à la cafétéria qui sont vides. Là. C'est la seule affaire que j'ai comme anecdote de mon côté. Ah oui, ça t'est arrivé, toi? Oui, souvent, mais... Ensuite, un vélo qui est apparemment impossible à voler. On va essayer d'analyser, voir si c'est vraiment impossible. Pas besoin de transporter un gros cadenas pour ton vélo. Quant à ce nouveau design de bicycle de Yurka Project, c'est parce que le frame du vélo, donc vraiment l'ensemble, la carcasse du vélo est elle-même son propre cadenas. Donc, tu sais, ouais, c'est cool, hein? Tu sépares le dessous. Tu détaches le siège et tu utilises ça pour faire un cadenas. On le voit dans la photo comment le faire, là, mais c'était comme en deux parties. Puis tu peux comme insérer un arbre presque dans ton vélo ou un poteau. Donc tu peux envelopper ton vélo autour d'objets de la plupart des grandeurs. Il y a une petite vidéo de démonstration sur assemblagerequis.com. Ça laisse quand même quelques questions en tête. Est-ce que c'est si sécuritaire que ça, premièrement? Et deuxièmement, est-ce que les pneus, eux, peuvent être enlevés et volés? On dit qu'on peut quand même prendre la roue, le pneu d'en avant et l'attacher avec le reste, mais la roue d'en arrière pourrait être enlevée. Donc, en tout cas, ben, c'est cool. Comment est-ce que tu décrirais ça? C'est comme, t'enlèves le siège. Tu veux juste enlever le siège et le mettre de l'autre côté de l'objet qui sert d'objet fixe, le on s'en s'attache, genre un poteau, tout ça. C'est vraiment comme un cadenas, c'est vraiment d'entourer, de verrouiller autour. Je trouve ça vraiment cool. L'idée est très bonne. J'ai hâte de voir si ça va être utilisé par des grandes compagnies de vélos plus tard. Ça pourrait être vraiment pratique pour un vélo qui est très très léger. Je sais pas c'est quoi le matériau qui est utilisé en aluminium, en fibre de carbone. Fibre de carbone, ouais. Je sais pas. Et si le vélo était son propre cadenas, t'aurais vraiment. Des fois, le cadenas, c'est la partie la plus lourde transporter dans ton sac à dos. Un gros cadenas, c'est beaucoup trop lourd. Donc, je me demande juste si est-ce que ça fragilise le squelette du vélo, que ça s'enlève. Je sais pas. Plein de questions à soulever. Et pour terminer maintenant, de la bière, c'est le fun. Oui. Boire un peu une fois de temps en temps, un party entre amis, c'est toujours bien plaisant. Mais un six-pack, un 12-pack, une caisse de 24, c'est pas assez des fois. Non. Que dirais-tu de monter à 99? 99? Un 99-pack anytime is a good time for Peacemaker. Donc pour ceux qui veulent transporter 99 bières. Un Peacemaker, t'as dit? Peacemaker. donc, c'est de Austin Beer Works. C'est une caisse qui peut évidemment contenir 99 canettes de 12 onces de Peacemaker Anytime Ale ou 1188 onces de bière. Ça coûte 99 $, donc pour 99 $, c'est sûr que la bière est incluse. Hein? Oui, j'espère. J'espère bien. Tu penses pas juste des bouteilles vides? Et non, c'est ça. Et en plus, 99 packs pour 99 bières, c'est genre, je dirais, si mathématiquement... Ouais, à peu près 1 $ par bière. Mettons. C'est pas cher. C'est vraiment pas cher du tout. Voilà, c'est tout pour Sex Pistols de répondre. Là, on fera une autre chronique à un moment donné. On est rendu qu'on en fait tous les jours, ces affaires-là. Hein? Ouais, là, j'ai le goût de boire la bière. Ouais. Toi? Ben oui, bien ça. Cool. Hein? Il est-tu trop tôt? Est-ce qu'on a le droit de dire ça à 9h le matin? On a le droit de le penser, mais c'est d'exécuter. Que là, c'est comme... OK, on peut le dire aussi. On aurait envie. Mais faudrait attendre à quoi? 11h30? Ouais, facilement. OK. Le brunch, tu sais. Le brunch, dans c'est coin bon. Du brunch. Voilà, donc, Six Minutes, ça devrait répondre là. On fait ça les mercredis à Assemblage requis. On revient dans quelques instants avec une autre portion, une dernière demi-heure d'Assemblage requis. Alexandra Carignan va être là pour le temps de culture. On parle d'art et spectacle. Ah, enfin! Diversité. 89. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Toujours à son lâche requis avec Stéphanie Paradis. Et avec Mathieu Plante, bien entendu. On reçoit notre amie Alexandra Carignan. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien. Vous? Oui, tu nous as fait languir. Eh oui, je me suis pas levée. Les meilleures choses dans la vie savent toujours se faire attendre. Hein? Et voilà, c'est une vraie... vraiment me jeter des fleurs alors que vous seriez censé de me fouetter. C'est on n'est pas capable! Tu l'encourages à continuer dans ce chemin-là. Oui, c'est ça, comme ça, je vais tout le temps arriver en retard parce qu'on me dit que je suis la meilleure chose au monde. Mais Alexandra, c'est vrai, probablement que t'es la meilleure chose au monde. Et t'es une lady. Et une lady, c'est, comme on dit en anglais, « lady is fashionably late ». Ouais, mais ça, c'est clair. C'est cute d'être fashionably j'suis late. Je suis une lady. Mais c'est ça, prends pas ça pour acquis. on t'accueille pour une autre saison de ta chronique d'art et spectacle. On va te mettre ton intro, puis après ça, on va pouvoir jaser, parce qu'on veut savoir pourquoi que tu sais que t'es plus... puis que tu fais comme, puis qu'est-ce qui se passe dans ta vie, puis tout ça. Fait que c'est le temps d'une culture. Pareil comme l'année passée, j'ai oublié de la partie intro. On va jouer, il y a comme trop de... C'est vrai que c'est une bonne chanson. Comme long. Ah. Donc, on a plein de questions, Alexandra Carignan. T'es plus journaliste aux Ondes Campus, aux Arts Spectacles? Non, je n'y suis plus. T'es rendue chroniqueuse? Oui, je suis rendue une chroniqueuse parce que j'avais plus le temps à me donner. J'avais plus le temps à me donner à la culture en tant que journaliste. C'est ça. Mais j'aime les Ondes Campus. Alors, j'ai décidé d'être chroniqueuse et c'est drôle parce que t'as parlé de lady. Oui. Eh bien, ma chronique, c'est la lady bimensuelle et non pas bisexuelle. Je me suis rendu compte que c'est en lisant vite. En lisant vite que tu t'es rendu compte. OK, moi, je m'en suis rendu compte quand je l'ai tapé dans le journal, tu sais, je dirais. C'est la bimensuelle pour une fois ou deux semaines. Okay. Ben oui, c'est ça, ou deux fois par mois. Ouais. C'est ça, en fait, plus ça. Ou 15 jours, dépendant, tu sais, les ou gens... 15 jours. Ça, alors, c'est ça, je présente une femme de tête par deux semaines. Alors, c'est simple, là, c'est super bien fait parce que c'est moi qui l'écris. Ben oui. Puis il y a une photo en plus. Il y a une photo. Puis tu sais, je rends ça super accessible. Puis c'est le fun parce qu'on présente un peu une partie d'histoire en même temps. Et tu étudies en histoire. Ben oui, j'étudie en histoire. Puis je rends pas ça barbant. Là. Je sais que ça peut être plate des fois l'histoire. Barbant. J'ai jamais entendu ça. Barbant. Ah ouais, t'as jamais entendu ça? Non. Pourtant, tu serais dû pour te raser. Aïe, elle est bien correcte de même. Ma barbe, là, regarde si tu veux une photo de moi pas rasé, couilleux, dans le zone campus, dans la dernière page dans le spectacle. Je suis là avec ma grosse barbe. C'est vrai. Ouais. Avec la grosse barbe. Grosse barbe. Mais écoutez, j'aime quand même la culture. C'est ça. Et le zone campus, des fois, peut-être que tu couvrais des affaires qui t'intéressaient pas assez. Mettons, des fois, tu les couvrais même si ça t'intéressait moins. Alors que là, pour ta chronique, les temps de culture, ça va être que du stock que t'aimes. Presque. Je vais vous parler aussi du spectacle qu'on peut voir pareil. Là. OK. Ah. Mais oui, effectivement, ça va être que du stock que j'aime, ou presque. Là. Good. Mais ça va être ça. Ça va être ça. On va se le dire. Premièrement, je vous parle d'un événement que sûrement qu'on a cassé les oreilles des auditeurs toute la journée avec ça, qu'on va casser toute la journée. Ben oui. Le hashtag rentrée UQTR. Oui, on est le 03 septembre. Hashtag rentrée UQTR. On est le 03 septembre, hashtag UQTR. Ça se peut-tu, hein? J'ai essayé de chercher sur mon événement, tu sais, sur mon Facebook, tantôt, rentrer UQTR, ça marchait pas. Fait, je mettre le hashtag. Oui, ben hashtag, oui. Et rentrer avec un accent aigu. Oups. Ah ouais? C'est l'affaire, ouais. Rentrer avec un accent aigu. D'habitude, les hashtags n'auraient pas d'accent aigu. Oui, c'est ça. Mais sur Facebook, ils en mettent un, puis quand tu cliques, ça marche, fait que ça. Ouais, ben tant mieux, on évolue. Alors, ce soir, il y a le spectacle de la rentrée UQTR qui, pour la première fois, est à l'extérieur. Wouhou! Ça va être grandiose. Ouais, ben ouais. Oui, puis c'est le fun parce qu'à ce temps-ci, là, comme récemment, là, ben, il fait chaud. Puis dans le 10-12, là, il fait encore plus chaud. C'est encore plus chaud. Tu sais, là. L'année passée, on avait reçu Bernard Adamus, puis ça tourne. Il fait chaud, là. Il fait chaud! Ben, c'est ça. Ça donnait ça. Alors, à l'extérieur, on a trois groupes vraiment d'enfer qui vont être là. Premièrement, Dead Obies, qui est un groupe de rap montréalais, qui est vraiment cool. En fait, c'est ce qui se rapproche le plus. C'est ce qui manquait dans l'univers du rap au Québec. Un espèce de rap américain, mais en français, là. C'est comme du gros rap trash. On en a maintenant. Parce que les Québécois, on va plus vers des trucs... on est lourd. Puis on pense, puis là, c'est ma mère. Tu sais, c'est tout le temps assez spécial, okay. Le rap québécois. Non, je savais pas. Moi, je suis moins portée vers le rap québécois. Mais en même temps, je dis ça, puis dans le fond, je connais pas, puis tout le monde va dire, ben là, il y a tellement d'affaires qui se passent dans le rap québécois. Mais je trouve que Dead Obies vient remplir un trou qui était celui d'un espèce de rap trash, un peu à l'américain, un peu à la Kendrick Lamar ou à la. Fait que c'est ce que. Ben, même, là, on peut y aller à la Danny Brown, là. Donc, c'est. Tu me parles d'affaires, puis ça fait comme. Chou, par-dessus la tête. Wing! Je dis ça, mais bon. Ouais. Alors, c'est. Ben, c'est ça, là. Si vous êtes quelqu'un qui s'offense facilement, n'allez pas voir Dead Obies. Est-ce que c'est Dead Obies en premier ou c'est en deuxième après, j'imagine, The Beatles ou peut-être le contraire? Ben, en fait, il y a The Beatles qui s'est rajouté, effectivement, il y a quelques jours. Ouais, c'est ça. Mais, j'ai pas l'impression de trouver un horaire. OK. Mais, ce qu'on sait, c'est que Dead Obies est au. En tout cas, avant Radio-Radio. Avant Radio-Radio, c'est ça, en fait. Et que ça termine avec Mister Valor. Mais là, je te laisse aller dans l'ordre que tu veux. Oui, mais c'est ça, mais je sais même pas c'est quoi l'autre, en fait, que tu viens de me nommer. Parce que je le connaissais pas, puis c'est ça. On jouera tantôt, si on a le temps, en fin de mission. Mais oui, mais c'est ça, en fait, l'horaire de la grosse scène extérieure, parce que je pense que l'artiste que tu m'as nommé, que je peux pas renommer... Debbie Tebbs, il est à Chasse Galerie. OK. Moi, c'est ce que je crois qu'on m'a dit. Alors, sur la grande scène, en tout cas, les trois premières parties, là, on a vraiment Dead Obies, Radio-Radio en deuxième partie, Radio-Radio qu'on connaît tous, ben oui. Qui ont été à Trois-Rivières beaucoup de fois, d'ailleurs, qui était au festival cet été. Mm-hmm. Mm-hmm. Et la troisième partie, c'est Mister Valère, qui ça, ben, ils peuvent revenir 40 fois, ça me dérange pas, je suis contente. Mister Valère, bon, qui a sorti son dernier album là, l'année dernière, très, très bonne critique. Beaucoup plus ambiant que Gordon Bombay qui était avant. Mais l'ambiant ne fait pas le moine. Ah! C'est bon, ça, on dirait quasiment. Ouais. Je pense que j'aurais sorti. C'était vraiment... Tu prends pas pour de la merde. C'est ça. En fait, il y a beaucoup de collaborations qui ont été avec Mister Valère, donc qui rend l'album un peu plus accessible. Et en spectacle, ce qui est intéressant, c'est qu'ils mettent tout le temps une track des... Ben, si c'est des filles ou non. ou des garçons. Bon, il y a la track en arrière, ou sinon, c'est eux qui chantent et rappent eux-mêmes. Okay. Donc, c'est très intéressant. Si vous n'avez jamais vu Mister Valère, c'est vraiment un spectacle à voir. Même si vous ne connaissez pas ça, ils sont tellement fous d'énergie que ça vaut la peine. Alors, ça, c'est pour le hashtag Rentrée UQTR. Je peux malheureusement pas vous donner vraiment d'heure parce que même sur l'événement, il y a dès 18h. C'est un bloc, c'est un tout. Soyez présents. C'est un gros tout. En fait, il ne faut pas arriver à une heure là, pour tel spectacle. Non, non. Ça se vit en événement. Et là, c'est ça, il va y avoir aussi un spectacle là, à la Chasse-Galerie après le spectacle extérieur là, qui va se continuer jusqu'à 3h du matin. Aïe, aïe, c'est une méchante grosse soirée slash nuit, tout ça. Slash nuit. Là, hashtag. Hashtag slash nuit. Hashtag slash tu peux pas mettre de slash dans un hashtag. Non, comment? Tu peux pas, ça coupe le ça coupe tout. Hashtag. Alors, donc c'est ce soir dès 18h. Si vous êtes étudiant, c'est gratuit. Oui. Si vous ne l'êtes pas, c'est 30$, mais 30$. Ça vaut la peine de s'inscrire à l'université. Juste pour ça. Oui. Mais tu sais, c'est ça. C'est le prix d'un spectacle. Mais vous avez d'un trois, spectacle de qualité. Oui, oui. Là, il y en a vous trois. Vous en avez trois, là. Quatre, si vous allez à celui au Chasse-Galerie. C'est moins de 10$ chaque si on compte là, celui à Chasse-Galerie. Mm-hmm, mm-hmm. Et c'est ça. C'est des groupes qui sont fréquemment à Trois-Rivières, mais c'est des groupes qui attirent beaucoup de gens quand ils viennent. Oui. Donc là, on a comme un événement central où tout le monde en même temps. Flac à flac à flac. Flac à flac. Tout ça. Tout ça est là. Oui. Alors, ce soir, pour ce qui est de demain... C'est organisé par C'est Fou et l'AGE, faut pas l'oublier. C'est Fou, son campus, AGE... Hashtag c'est un threesome. C'est ça, c'est tout en même temps. Couche ensemble, tout le monde. Il se passe des affaires, Louis. Pour les amateurs de rock, au Nord-Ouest demain, il y a Living Crush, qui est un groupe très plus vieux, qui commence à grandir un peu plus. Okay. Là, ils vont être au Nord-Ouest avec Das Blackout, qui est aussi un groupe rock. Alors, ça, je peux pas vous en dire un peu plus. Parce ça, c'est que, allemand? C'est ça. On oui, c'est un groupe allemand. En tout cas, selon le nom. C'est un groupe au nom allemand. Au nom allemand. Alors, Living Crush, groupe de rock très fluvien qui, vraiment, là, a joué à plusieurs places. Ils sont de retour à Trois-Rivières. Donc, c'est demain. C'est 6$ à l'entrée au deuxième du Nord-Ouest. 21h. Mm-hmm. Et là, on saute à lundi prochain. Okay, on parce flash qu'à la forward. Semaine, il n'y a pas grand-chose. Vous pouvez vous reposer. Ben, il y a tellement eu d'affaires autour de la fin de semaine qu'on va dormir et jouer à Mario Kart. De toute manière, vous allez vous péter la face au parti de la rentrée. Vous n'aurez même pas le temps d'aller voir Living Crush. Mais vous allez vous allez vous ressourcer pour le match de la lutte, lundi. Premier. Oh, top one. Et en fait, c'est un match d'ouverture un peu pour faire de la pub pour le camp. En fait, c'est le match spécial Capitaine vs. Arbitrizzes. Alors, et là, spécialement pour ce soir, c'est à 8h. Lundi soir à 8h au lieu de 7h30. 8h, oui, c'est l'année dernière, c'est 7h30. Est-ce que c'est la nouvelle heure de l'année? C'est une très bonne question, c'est Mathieu. C'est ce que je crois. Je crois que c'est rendu 20h. Donc, c'est rendu 20h. On joue au yo-yo. Ouais, c'est ça. Je pensais avoir une confirmation, mais je crois avoir entendu dire, mais on va à la place juste faire comme c'est lundi soir, début, milieu soir. Oui, ben c'est sûr que lundi, c'est à 8h. OK. C'est sûr que lundi prochain, là, le 8 septembre. De toute manière, l'autre d'après, mindez-vous pas, il n'y a pas de match parce que c'est le cas de recrutement. Ah, OK. D'ailleurs, tout le monde qui est à l'UQTR peut y participer. Alors, la semaine prochaine, lundi, c'est le match des capitaines contre les arbitres. Ça présente, en fait, les couleurs là, que les arbitres vont avoir. Pas les couleurs, mais les couleurs dans leur jeu. Et les capitaines aussi. Donc, les capitaines, on en a quatre, comme à chaque année. Cette année, on a que des garçonnets. Oh. On a Antoine Lacasse, Alexandre Laramezouéki, Vincent Réville et Philippe Grenier. Alors, ce sont les quatre capitaines. Les arbitres ne sont pas encore dévoilés. Oh! Ça va dévoiler quelques temps à peine avant le match. Là. Quelques temps à peine c'est avant. Cool. Ben, en fait, ils sont à l'intervalle de 2 jours. Donc, dans les 2 jours. Ça pourrait être le jour d'avant, ça pourrait être... Ouvrable ou fermable? Oh, ouais, hein? Ouvrable. Ah, là, je sais pas. Hein. Parce que si c'est ouvrable, ça, c'est demain, jeudi. C'est vrai. T'as bien raison. Mais je peux vous donner des indices. Deux de ces arbitres étaient dans la lutte l'année dernière. Oh, boy, boy. Je dirais pas plus d'indices parce que... Ça en fait pas mal de monde, ça. Ouais, c'est pas mal de monde, mais en même temps... Pas tant. Qui font plus le camp et qui sont encore dans la zone, ça fait pas beaucoup de... Non, de choix. Est-ce qu'il y a de la fémininité là-dedans, quelque part? Il y a de la féminité dans les arbitres. Non, c'est fémininité. Il y a de la fémininité dans les arbitres. OK, cool. Là, moi, c'est ce que je vous dis, mais je vous ai rien dit. OK. C'est un secret en 10 mois. Nous autres. Et les 4 millions d'auditeurs qui nous écoutent. Et plus. J'ai dit un chiffre à la base. Minimise pas là, notre 4 millions et plus. Alors, lundi, 8h, le 8 septembre. Le 8 à 8, Ça va être le match de la Luître à la Châle-Galerie. C'est gratuit. Et commencez à mettre ça dans votre agenda parce que toute l'année, c'est à, ben, peut-être à 8 heures. Ben, si c'est à 8 heures toute l'année, là, je propose le branding 8 heures. 8 heures. À 8 heures. À 8 heures. 8 heures. 8 heures. Parfait. Ouais, c'est... Mon Dieu, on va leur proposer ça. Okay. Alors, je suis rendu avec un contact dans l'8, moi. Je sais pas si t'as entendu parler de ça. Non. Je vais pas en parler trop vite, là, mais... peut-être que je vais peut-être animer la lutte. Peut-être. Oh my god, pour vrai? Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Petit bruit d'une huître, tu sais, ça serait c'est le fun. Ou encore une dinde. Ça serait vraiment le fun. Ou une dinde marine. Une dinde marine. Ou une huître terrestre. Bref. Oh. Ça va faire? Ça va être ça l'animation. Ça. Eh oui, ça va être ça. Tout le temps. Désolé. Ça va être lourd. Mais c'est pas grave. On va s'en remettre. On va s'en remettre. Bon. Prendrez plus de bière. C'est ça. Juste plus de bière. OK! Alors, oui. C'était ça! Okay. Donc, c'est ça qui se passe dans la culture jusqu'à mardi génial. Prochain, mercredi prochain. C'est plein de choses! Oui, c'est plein de choses. Alors, c'est ça. Rentrée au QTR, Living Crush et Match de la lutte la semaine prochaine. Je vous ai laissé une chanson. De Mister Valère. Mm-hmm. Ah. Avec un partenariat de Milk and Bones. Un partenariat, c'est plus un featuring. C'est un partenaire d'affaires. Bon, on est en français ici. Là. Yo, partner. Avec un partenariat de Milk and Bones. On écoute ça. Don't buy sides. C'est le temps d'une culture. C'était Known by Sight de Mister Valeur featuring Milk and Bones. D'ailleurs, la fille de Milk and Bones qui est la claviériste d'Alex Nevsky. Ah! Et aussi les voix, si la voix vous dit quelque chose, c'est tout le temps la choriste sur les, dans le CD de David Giguère. Oh wow! Mais oui! Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. C'est cool, et c'est ce soir? Oui, ce soir, vous allez pouvoir entendre cette chanson-là. Évidemment, il n'y aura pas Milk and Bones, mais il va y avoir Mister Valère sur la grande scène de la hashtag Rentrée du Théâtre. C'est ce soir, le 03 septembre 2014, parce que c'est important d'avoir une date à deux chiffres. À deux chiffres. À deux chiffres. Oui. Ouais. Merci beaucoup, Alexandra Carignan. Ça me fait plaisir. On va écouter d'autres pièces, qui vont, des groupes qui vont être en spectacle ce soir. Tu vas mettre l'eau à la bouche. Oui, on va écouter plus tard du Dead Obies. Oui. On dirait une fin de joke. Si vous n'êtes pas réveillé, on va vous réveiller. Il est 9h30, là, il est temps de se réveiller. C'est ça, on l'a dit, c'est le bonjour, c'est fini depuis quelques temps. Depuis, ouais. Que vous n'écoutez pas, mais sachez-le, on n'est plus le matin, on est rendu l'avant-midi. C'est voilà. Ça. Après ça, avant Dead Obies, il va y avoir Radio-Radio. Oui. Un petit peu de Fifty Shades of Beige. Ben oui. Ça tente? Ben oui, oui. Bon. Tout le temps. Et puis, c'est ça. Ça va être pas mal pour le reste de l'émission. Mais on commence avec Radio Radio là. Merci, Alex. Ça fait plaisir. À la semaine prochaine, toujours les lundis à 8h. Mercredi à 8h? Mercredi à 8h. Oui, à 8h. 8h. C'est ça. Pour ceux qui ne comprennent pas la référence, qui est 9h20. En ce moment. Ton beige, pop avec un nouveau tank top. Ça c'est nice, ça c'est hot. Du khaki, c'est khaki avec un two-tone version du beige sur beige. C'est comme un nouveau gris, happy gris. Tu sais, c'est comme beige. Je vais mon beige, swear nothing better. Du beige sur beige, c'est comme un bucket sur stage. Porter du beige, tu vois la vie en rose. Je vois la vie en beige. So beige, bixi, bicyclette avec des roues en beige. J'ai des petits mots pour ce que tu portes quand c'est fil plutôt beige. Je suis ton beige, c'est ma couleur, puis je vois porter du beige. 50 shades of beige, 50 shades of beige. Out of toutes les couleurs du rainbow, ben moi je pique la couleur beige. 50 shades of beige, je suis real. 50 shades of beige, je suis que 50 shades of beige, je suis real. 50 shades of beige, je suis que 50 shades of beige. Je fais 50 shades of beige. So say it with me, moi j'suis beige. Moi j'vais aller porter du beige. Say it with me, moi j'suis beige. Moi j'vais aller porter du beige. Beige, le happy gris, slide passant pour la vie. C'est que j'porte ça que j'dis, pas besoin de jubilee. Beige, c'est le Pantone, ça qui m'a dans la zone. Couleur que t'es king, couleur beige, t'es mon trompe. Never mind, I'm black on black, nous c'est le beige. Le beige en beige, oui le beige en beige. Bright, beige, light, beige. So dis-moi qu'est-ce que tu portes quand tu files plutôt beige. Je suis comme beige, c'est ma couleur, so je vais porter du beige. 50 shades of beige, 50 shades of beige. Je suis comme beige, c'est ma couleur, so je vais porter du beige. Beige don't age, beige don't age. Beige c'est la couleur du new age. Beige don't age, beige don't age. Beige c'est la couleur que je porte sur stage. Beige don't age, beige don't age. Beige c'est la couleur de ma Facebook page. Beige don't age, beige don't age. Beige c'est ma couleur, puis la couleur don't age. Faut que tu beige it all about. Let's feel, let's feel, let's feel, let's beige out. Quand ce que je file est mieux beige. Il faut que tu beige pour te rendre mieux beige. C'est ça qui est beige, part du beige. Beige, beige in, beige out. Faut que tu beige it all about. Beige in, beige out. Faut que tu beige it all about. Let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, out. Cause you're feeling it beige. You faut que tu beige pour te rendre mieux beige. C'est ça qui est beige, ça qui est beige, beige. Rainbow beige, rainbow beige. Beige la couleur du new age. Rainbow beige, rainbow beige. 50 shades of beige. print that'll sell our dress. If we're dressed like us, so I'm taken by the glare of my Prada. Can I tell you, cut my pen, I'll see you prior. Hey, Marie, mais quand son mari est pas là, c'est wow. Une chanson, Marie est pas là. Anyway, il peut pas fuck avec le dead oh. Monte-moi dans ton body, baby, monte-moi dans ton middle thing. Le bitch d'or, c'est un et puis c'est pas le troisième. J'étais censé le rencontrer sans si tu vas me croiser. What's poppin'? Still poppin' no basta. Fuck me, I'll fuck you. Took the game, he fucked up. Took the game, he fucked up. Took the game, boy, took the game. He cut my bane, I took my bane. I fucked the man, I fucked the man, I. Yeah. So she drunk as fuck, good. Sick come drink, they for ya, ya. Ya put motherfucker fresh like ice. I was checkin' us out, I'm out. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Fucked up made you bitch made, so you better get those shit straight. I'm not saying that a bitch made you, but don't bitch ass made you a bitch made you. And that's a fact for sure, yeah. Diddle B's back for sure, yeah. All them CPU just for the facts. I'm in kiss you all, hold you back. We back, sis, you don't know we rap. Sitting bone can't call me that. Better yet, fish rap, les must your motherfucker made it happen. De mon premier rap battle lab, mon dernier verse au lab. On rap, et donc on est parti de meuf. My bro, we got losing tonight shift. Since the blood to repeat, la musique a mic just. Roll up dans une caisse sans Saint-Laurent. Screaming that bitch, on kill my vibe. Fais-je remplir mon bag. Faut que ça pense et mal. On get the nuns, enfin me listen. Vu que j'suis so sharp, listen. Shout to Bobby Ness. Pour mon premier record session. That is it, des gars que j'trouvais fucked up. Une époque, j'ai rien qu'un awkward with a smart baby. Là j'ai pas des triggers sur le baby. Puis mets donc tes deux mains dans les airs for me. What's up, man, man. Follow me, puis crie dans les airs qui le plus for me. Little bees, yup, that's fucking rap for me. Non, c'est S-Way, c'est de bord de main. Post rap, c'est de side of your cafe. Boy, y'all already know what's happening. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep on going under. How I keep on going under. It's like a jungle sometimes. Je vis dans cette salle, j'me demande comment j'vais m'en sortir. Et that. Sometimes it makes me wonder how I keep on going under. How I keep on going under. It's like a jungle sometimes. Je vis dans cette salle, je me demande comment je vais m'en sortir. Et that. Hey, homies ain't no good influence. Plus nice cube que cube good. Prime des goblins, keep it a gold profile. Let it all dans les cafés cool kids. Je voulais mettre les codes. Je voulais mettre les coolness. Hanging avec mon cousin. Y'a une base derrière les coolness. Prête à tout pour être le coolest. C'est bullshit, it's foolish. Remember au loulou, j'ai failli courir. J'avais so many baggy selling. So many baggy selling. So many reasons d'aller ensemble d'acquis. Manger des bonnes. J'avais 70 dollars. Rouler dans un bag. Puis des billets de cadine. Pour ma BL on the side. Une fibre sur papier d'aluminium. So many problems coming to mind. And I mean some of them bad. But I never did time. Puis le cops m'a laissé une dame. J'étais lucky as fuck. J'me suis dit God is it a sign. Décidé d'arrêter le grind. To keep it legit for a while. Une semaine avant d'avoir 18. J'aurais pu turn out un ad. Le décor est dissous. Call you sit. J'voulais être Margaret Zelanic. J'servais des mezzo laddies. Bombing around in the BT laddie. Calling the money bags en ballet. Pause le ballet, m'appelle l'allée. Fuck in the radio body bag. Get it up, feel it, make it like. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep on going under. How I keep on going under. It's like a jungle sometimes. Je vis dans cette salle, j'me demande comment j'vais m'en sortir. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep on going under. I need to flip it on you, cause it's hard to keep it hood. Got him going none. Driving over sticks to keep it distant from the gutter. Mississippi with my brother, in the kitchen with my mother. Where no shit was ever given, we was living for each other. Now it's funny, cause to me it's in my blood. Screaming money over Jesus when you see us in the club. Money over Jesus when you see us in the club. Smoking sour diesel, burning diesel in my truck. What's up? Little things up. Six more months screaming, I don't give a fuck. Preach. Sorry for having hard to reach. Tell mama that wasn't me. I'll be home in a couple weeks with a duffel bag and a pound of weed. For real, it's all to keep. All that's and it's all to keep. Say, say, say. Get a pump cheap. Bang, bang, bang. And drop beats like. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go ticket pour le bus, but bitch it push it. Yeah, but yeah, no kid, get no respect. G-Town, King Cat, no Sinex, no shake, more death. Cause it comes in a big bucket. Sorry mama, party on, had to go sans a quoi stop. But I'm a bass and we'll have a next to go. J'ai ni l'album, puis je me call it all. Stay in jungle. C'est pas facile, moi, que beat dans le jungle. Chaque que je passe, je vais m'en sortir, ain't that. Dead Obies est la pièce titre de leur album Montréal Sud. À Assemblage Requis, c'est là-dessus que l'émission se termine. Et ça, ben, Colin, c'est Dead Obies. Un spectacle ce soir. Rentrée QTR, hashtag. Hein? Avec Radio Radio, qu'on a entendu juste avant. Avec 50 Shades of Beige. Mission Valère, qu'on a entendu précédemment dans l'émission d'aujourd'hui. Et Debitables, avec quoi on va se quitter. Mais pour l'instant, comme je disais, c'est tout pour cette édition d'Assemblage Requis. Oh. Oh, mais ne soyez pas triste parce que... On est de retour demain! Oui! Entre 6h30 et 9h30, en direct à partir de 7h30. Demain, l'émission, on est jeudi, on va faire les instructions d'assemblage. Ça fait plusieurs mois qu'on l'a pas fait. Donc, on va se remettre à jour sur les choses à faire pour bien vivre sa vie. Restez sur nos ondes. Le dîner de con s'en vient à 11h avec Danny Janvier. Ensuite, en l'après-midi, moi, je serai là, seul à l'animation des Palmarès C'est Fou, entre 14h et 17h. Et puis, plus tard en soirée, les Audacieuses à 19h. Merci, Steph. Merci, Mathieu. Ça m'a fait plaisir. C'est fou.ca, assemblagerequis.com. Et on se dit tous à demain en se quittant avec Debbie Tebs et sa pièce Hop sur le Palmarès anglophone. C'est une nouvelle entrée en position numéro 19. Sauf pas que ta toune de fond avec ce qu'on a entendu avant, Dead Obies, ça fait un contraste assez marqué. Ça clash and slash and dash and the... Hashtag. Flash, c'est ça, hashtag. Bye. Bye. Transaction.